Vivre. Groupama. Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama. Dites-moi Manon, ça fait longtemps que vous êtes assurée chez nous. Ça fait plus de 5 ans que je fais confiance à Groupama. Eh bien, pour vous remercier, sachez qu'avec notre programme Fidélité Groupama Plus, on vous récompense. En tant que particulier, professionnel ou agriculteur, vous bénéficiez de nombreux avantages et même de réductions de franchise en cas de sinistre. Ah oui, c'est un grand geste en plus. Merci Cerise. Groupama. Groupama, toujours là pour moi. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama.fr ou se rapprocher de votre conseiller. France Info, 14h-17h. Et à la une à 16h48, Armand Perrault-Logat, 3 soldats américains tués dans le cadre de l'opération contre l'Iran. C'est ce qu'annonce le Pentagone. 5 autres soldats américains sont grièvement blessés. Ce sont les premières victimes américaines du conflit, mais le Pentagone ne donne pas plus de détails. Ce dimanche, l'Iran mène des représailles tous azimuts après la mort du guide suprême Ali Khamenei hier à Téhéran. Un missile iranien a touché un immeuble d'habitation dans le centre d'Israël. Le bilan est lourd, 9 morts et 28 blessés. L'Iran frappe également les pays du Golfe, alliés de Washington. Ces attaques ont fait 3 morts et 58 blessés aux Émirats Arabes Unis. Une base navale des forces françaises a été touchée à Abu Dhabi, mais sans faire de blessés. L'armée israélienne, elle, poursuit ses frappes sur l'Iran ce dimanche avec les États-Unis. Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier, prévient le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël mobilise toute la puissance de son armée comme jamais auparavant. De son côté, Donald Trump assure que 48 dirigeants iraniens ont été tués jusqu'ici, dont l'ayatollah Ali Khamenei. En France, plus aucun département n'est en vigilance orange pour les crues. L'alerte vient d'être levée pour la Charente-Maritime, qui était le dernier département en vigilance orange. Et puis le football, 24e journée de Ligue 1. Ce sont les toutes dernières minutes de jeu entre le Paris FC et Nice. Toujours 1-0 pour les Parisiens. France Info, édition spéciale. C'est l'une des conséquences de cette guerre ouverte au Moyen-Orient. Le trafic maritime dans le golfe Persique est touché. 2 navires attaqués au large des Émirats Arabes Unis et d'Oman. Le premier armateur mondial, MSC, ordonne à tous ses navires présents dans le golfe de se mettre à l'abri. Cette situation peut-elle avoir des conséquences sur le commerce mondial? Paul Touré, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, était notre invité un peu plus tôt sur France Info. Alors sur le commerce mondial, c'est pas évident, mais en tout cas sur les trafics dans le golfe Persique, c'est certain, au moins pendant une semaine, une sorte d'attente. Là, on voit déjà les bateaux qui sont à l'arrêt des deux côtés du détroit d'Ormuz, hein, dans le golfe Persique comme en mer d'Arabie. Pour le commerce international, c'est pas évident. C'est surtout les approvisionnements en pétrole vers l'Asie qui vont être touchés. Et puis le prix du brut, peut-être d'une manière plus générale. Alors justement, on a vu que l'OPEP est prêt à augmenter sa production. C'est une façon de faire face à cette guerre et à un risque, j'allais dire, d'un baril qui flambe. En tout cas, de rassurer les marchés. L'économie globale n'a pas besoin aujourd'hui d'un pétrole à 100 dollars. Donc, ni les producteurs, ni les consommateurs. Donc, c'est aussi une réponse à une tension et à une inquiétude des marchés. Et c'est vrai que sur les faits, on peut voir les pétroliers qui seraient arrêtés, en tout cas dans la zone, pendant une petite semaine ou une dizaine de jours. Alors, on a vu plusieurs armateurs, notamment des armateurs français, ordonner à ces navires de se dérouter vers le Cap de Bonne-Espérance en contournant l'Afrique. Là aussi, c'est un manque à gagner, c'est sûr. Alors, on est dans cette situation depuis la fin 2023. Il y avait des espoirs avec une sorte de d'éclaircie, on va dire, au Proche et Moyen-Orient. Là, ça repousse l'idée et la mer Rouge va être à nouveau contournée. Effectivement, les grandes compagnies de conteneurs s'éloignent de la zone, comme d'ailleurs elles vont peut-être le faire un petit peu du golfe Persique. Alors, on voit que cette guerre est une guerre menée par Israël, les États-Unis contre l'Iran. Est-ce que justement, sur cette question du commerce, d'autres acteurs pourraient intervenir? Je pense à la Chine, par exemple. Ah, évidemment que la Chine est la première concernée. C'est un des gros importateurs, d'abord le seul importateur de pétrole venu d'Iran. Les économies asiatiques sont dépendantes du pétrole et du gaz de la zone. Et puis la Chine exporte aussi beaucoup de produits manufacturés vers cette région du Moyen-Orient. Donc la Chine est un des premiers concernés et Pékin doit surveiller ça comme le lait sur le feu en espérant que ça ne boue pas et que ça ne dérègle pas l'économie chinoise qui a déjà beaucoup de soucis. Est-ce qu'on peut faire un parallèle à ce qu'on avait connu dans des guerres précédentes, 2003 mais aussi 1990 avec la guerre du Koweït d'un point de vue commercial? Alors, c'est pas évident parce que là on est sur une nuisance potentielle. D'ailleurs, est-ce que c'est la marine iranienne, est-ce que c'est les gardiens de la révolution? Ça peut perturber, mais la différence peut-être avec les autres épisodes, c'est que cette fois-ci il y a une application de la marine américaine contre un allié maritime, enfin un adversaire maritime plutôt, ce qui pourrait amener une sorte de bataille navale autour des ports iraniens si ça devait se dégrader. C'est pour ça que les armateurs peuvent s'inquiéter peut-être d'une situation de véritable guerre dans la zone. Paul Touré, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. C'est une guerre effectivement qu'on souhaite très court du côté d'un certain nombre de pays, forcément. Bah, c'est les guerres de la globalisation. On le voit avec la Russie qui s'embourbe à cause des sanctions européennes et de la persévérance de Poutine. Mais d'une manière générale, ces guerres posent des problèmes finalement à une économie globale qui nous fait tous fonctionner en même temps et des points de tension qui s'accumulent depuis 2020. Donc c'est vrai que le monde qui a déjà quelques difficultés depuis quelques années, y compris à cause des guerres tarifaires de Donald Trump, se retrouve dans une situation qui serait assez difficile. La question du pétrole iranien, si le conflit dure, on peut entre guillemets s'en passer ? Alors, on s'en passe déjà, il est seulement destiné à la Chine. Aujourd'hui, même le pétrole et le gaz de la zone ne va pratiquement pas en Europe. Il est essentiellement tourné vers l'Asie. Mais il y a la question du volume, mais il y a aussi la question du prix. Et s'il y a des perturbations, bah, c'est une envolée du prix du baril et des conséquences économiques pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les consommateurs américains, ce qui doit interroger l'administration américaine sur la nécessité de ce conflit sur la durée. Une dernière question, justement, Paul Touré. Vous parlez du consommateur américain, moi je vais vous parler du consommateur français. Est-ce que cette guerre va avoir des répercussions sur les prix au prix à la pompe dans les jours qui viennent ? En fait, ça dépend un peu de l'emballement. On peut retourner à 80 aujourd'hui, le 80 dollars. Aujourd'hui, le pétrole est relativement bas. Il pourrait retourner vers 80, 90. De là à franchir les 100 ou 120 dollars, ça serait une véritable dégradation. Mais il ne faut pas oublier que les pays de la zone, les pays du Golfe sont aussi concernés. Donc finalement, il y a l'Iran contre le reste du monde. Et j'allais dire, pas forcément que dans des perspectives politiques, mais surtout dans des perspectives économiques. Paul Touré, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, avec Renaud Blanc. Un témoignage à présent, celui de Mayar Monchipour, boxeur franco-iranien, ancien champion du monde. Maintenant que le guide suprême iranien Ali Khamenei est mort, il espère qu'Israël et les États-Unis ne laisseront pas tomber le peuple iranien. Nous sommes plus en 79 où le Shah, après avoir résisté au départ, est parti. Il était malade, il voulait pas tuer son peuple. Ces gens-là, ce sont de sanguinaires criminels. Ils tueront jusque dernier. Ils n'ont pas une Argentine où partir tous. Ils iront peut-être 10, 15, 20 en Russie. Vous voulez qu'ils aillent où? Ils tueront jusqu'au dernier. Il est évident qu'il y aura pas de troupes au sol, ni des Israéliens. Ça veut dire des Juifs, ni des Américains. Moi, une famille américaine ne veut pas que son fils soit tué à 10 000, 15 000 kilomètres pour d'obscurs Iraniens. Pour eux, c'est normal. Mais vous savez, on a beau avoir détruit les armes lourdes, les avions, les tanks, de simples l'artillerie peut tuer des milliers de personnes. Je n'en sais rien. J'espère que Trump et Netanyahou ne nous lâcheront pas. Vous avez pu entrer en contact avec votre famille, rester en Iran ces dernières heures ? Alors, j'ose même pas les appeler, c'est à eux. En fait, j'ai un groupe WhatsApp où tout le monde est dessus. Donc, j'ai juste eu deux nouvelles de la famille qui étaient contents. On a tous fait la fête. On a tous fait la fête avec la disparition de ce personnage. Et j'ai juste ma cousine qui était apeurée à un moment donné, qui a dû se garer et parcourir des kilomètres à pied pour rentrer chez elle et retrouver ses enfants. Mais sachez-le, parce que vous le savez tous, il y a un relent antisémite, antisioniste en Europe, en France notamment. Sachez que les Iraniens, je ne veux pas prononcer le mot, et sont contents de l'intervention israélienne. Et en Europe, le chancelier allemand Friedrich Merz estime qu'avec la mort d'Ali Khamenei, le seuil vers un avenir incertain a été franchi. La France dénonce de son côté les attaques massives et injustifiables menées par l'Iran contre les pays du Golfe et la Jordanie. C'est ce que dit Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Je vous rappelle qu'une base navale française a été touchée à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, sans que l'on sache encore si elle était visée ou non. Restez avec nous sur France Info. Un nouveau journal, tout de suite après la météo. France Info, reportage, partout avec vous. Les bars, on en a besoin pour la vraie relation. Jean-Marc vient tous les jours prendre le café le matin et discuter le soir. Internet, ça tue tout ce qui est au niveau relationnel. Que là, regardez, tout le monde se parle et c'est la vraie vie. Sur le terrain, sur tous les terrains. Si demain, il est expulsé, c'est la vie, répond Eddy. Il est 6h du matin, le centre communautaire de Pasadena vient d'ouvrir. L'immigré originaire du Guatemala est parmi les premiers. On n'a pas de papier américain, pas de permis. Si quelqu'un a besoin de nous pour tout type de job, il appelle ici. France Info, pas juste l'info, l'info juste. BMW. Trois notifications, 10 postes, 5 alertes. Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M-Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M-Sport, prenez le volant de votre BMW dès 290 euros par mois, sans apport. Offre valable pour une BMW 1 16 M-Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur BMW.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr. Patricia Charbonnier. Des conditions météo très calmes pour débuter ce mois de mars avec les éclaircies qui vont s'imposer aujourd'hui sur une bonne partie du pays. Le temps sera même très ensoleillé dans le sud-ouest, plus nuageux sur la chaîne pyrénéenne avec quelques averses. Quelques averses possibles mais très faibles, très localisées près des frontières de l'Est. Mais le ciel sera très nuageux cet après-midi entre les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse avec des averses qui pourront localement prendre un caractère orageux. On attend de la neige à partir de 1800 mètres sur les Alpes. Et puis le temps restera très nuageux et humide du côté de la Manche avec quelques pluies entre la Bretagne et Normandie et le Pas-de-Calais et un ciel qui peut devenir de plus en plus nuageux sur l'Île-de-France avec des températures toujours très douces pour cet après-midi, notamment dans le sud. Météo France prévoit jusqu'à 18 degrés à Biarritz comme à Perpignan, 17 à Périgueux, 16 à Bordeaux et Grenoble, 14 à La Rochelle et Nancy, 13 à Paris et 11 degrés à Rouen. Merci Patricia Charbonnier, merci d'être à l'écoute de France Info. Bientôt 17h, nous sommes toujours en édition spéciale et je vous laisse avec Marc Potvin. Bonsoir. Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous. Notre édition spéciale en effet se poursuit alors que le Moyen-Orient est à la croisée des chemins après la mort du guide suprême iranien. Vous n'allez rien rater des derniers développements. Nos reporters sur le terrain sont mobilisés, nos experts aussi. On va vous donner les clés pour comprendre ce qui se joue au deuxième jour de la guerre entre les États-Unis et Israël d'un côté, l'Iran de l'autre. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur France Info, 17h. France Info, 17h-20h, Marc Potvin. C'est l'heure du journal de Paul Lonsin-Spinelli. Bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Et à la une, une base militaire qui accueille des troupes françaises bombardées par l'Iran. Et deux drones iraniens ont touché la base d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis où se trouvent des forces navales françaises. Selon les informations de France Info, il n'y a pas de blessés à ce stade et le complexe militaire fonctionne. Emmanuel Macron va réunir d'ici deux heures un nouveau conseil de défense et de sécurité. Le porte-avions américain Abraham Lincoln, lui, reste totalement intact d'après l'armée américaine alors que les gardes de la révolution iranien avait annoncé avoir frappé le navire. Trois soldats américains sont morts dans l'opération contre la République islamique. Donald Trump, lui, annonce ce soir que 48 dirigeants iraniens ont été tués jusqu'ici, dont le guide suprême Ali Khamenei. Et puis, qu'est-ce que les Iraniens, justement, eux, imaginent pour le futur de leur pays? Ils étaient plusieurs centaines à manifester à Paris cet après-midi. La riposte iranienne n'a donc pas épargné la France. Depuis hier, en riposte aux frappes israéliennes et américaines, l'armée iranienne a tiré plusieurs centaines de missiles et de drones en direction d'Israël et des bases américaines de la région. Mais Frédéric Seyss, aujourd'hui, pour la première fois, une base française a été touchée aux Émirats Arabes Unis, sans faire de victimes connues à ce stade. Oui, au moins deux drones kamikazes ont touché la base française Al-Salam à Abu Dhabi. Sur plusieurs vidéos que nous avons pu authentifier, l'on voit un nuage de fumée noire, puis un nouvel impact. Attaque de drones iraniens confirmée par le ministère émirien de la Défense. Elle a provoqué un incendie dans deux conteneurs de matériel, mais il n'y a pas eu de victimes, toujours selon le gouvernement des Émirats. Pas encore de confirmation côté français. Cette base navale française est ouverte depuis 2009. Elle accueille des navires de guerre et de renseignement en vertu d'un accord de défense entre les Émirats Arabes Unis et la France. Elle est située à seulement quelques centaines de mètres du Louvre à Abu Dhabi, sur l'autre rive. Il y a quelques minutes, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a dénoncé les attaques massives et injustifiables de l'Iran, sans évoquer précisément la base française d'Abu Dhabi. Un conseil de défense doit être réuni à 19h autour d'Emmanuel Macron. Frédéric Saïs, et donc comme le disait Frédéric, cette guerre au Moyen-Orient est très suivie par l'exécutif Hélène Terzian du service politique de France Info. Comme le disait Frédéric Saïs, Emmanuel Macron, le président, va convoquer d'ici environ 2 heures un nouveau conseil de défense. Oui, ce sera à 19h à l'Élysée. Comme hier, le chef de l'État sera entouré de son premier ministre, Sébastien Lecornu, de tous les ministres concernés, mais aussi du chef d'État-major des armées. Ce nouveau conseil de défense doit permettre de réfléchir aux suites qui seront données à ces frappes américano-israéliennes et aux répliques de Téhéran, notamment après la mort du guide suprême iranien. La porte-parole du gouvernement réagissait à ce propos sur Public Sénat. Le Mollah Khamenei était un dictateur sanguinaire qui a opprimé son peuple, avili les femmes, les jeunes, les minorités. Et il est encore récemment responsable de la mort de milliers de civils dans son pays et dans la région. On ne peut donc que se satisfaire de sa disparition. Et il appartient désormais au peuple iranien de faire le choix de son destin. La ministre Maud Bréjon qui rappelle que la priorité pour le moment reste la sécurité des ressortissants français. Ils seront, dit-elle, évacués quand la situation le permettra. Il en sera bien sûr question lors de ce conseil de défense, mais il sera aussi question de la sécurisation des emprises militaires dans la région. Alors que la base navale des forces françaises à Abu Dhabi a été touchée, selon les informations de France Info, sans faire de blessés, Paris dénonce les attaques massives et injustifiables de l'Iran. Hélène Terzian du service politique de France Info. Donald Trump donne des précisions sur les éliminations au sein du régime iranien. 48 dirigeants de la République islamique ont été tués jusqu'ici, selon le président américain. Les États-Unis qui annoncent aussi la mort de 3 de leurs soldats dans cette opération contre l'Iran. Selon l'armée américaine, en revanche, le porte-avions Abraham Lincoln n'a pas été atteint par les missiles iraniens, contrairement à ce qu'avaient annoncé les gardiens iraniens de la révolution. En Israël, la riposte iranienne a tué 9 personnes aujourd'hui dans une localité du centre d'Israël, selon les secours. Et ce matin, l'ambassadeur israélien en France déclarait « Nous ferons tout ce que nous avons à faire pour continuer d'affaiblir ce régime ». Oui, ce sont les mots de Joshua Zarka, invité ce matin de France Info. Le diplomate a également réagi à la publication d'une image symbolique, celle du corps d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien, tué hier par des frappes israélo-américaines. C'est une photo qui a été publiée sur X. Je pense qu'elle a été publiée par le régime même. On voit le guide suprême, son visage, on voit son corps sortir des combles. Et bon, il est clair que c'est le début d'une nouvelle période pour l'Iran. Et ce qui est très important, vous savez, je pense qu'il est très important, le plus important des messages que je pourrais donner, c'est aujourd'hui aux Iraniens de choisir leur sort. Et c'est aux Iraniens de faire en sorte que plus jamais ils ne seront sous le joug d'organisations et de personnes comme l'était Khamenei. Et je pense que c'est la responsabilité de la communauté internationale et de l'Europe, parmi la communauté internationale, de la France en Europe aussi, de soutenir le peuple iranien. Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, invité de France Info ce matin. L'élimination du guide suprême iranien donne lieu à une réorganisation du pouvoir en Iran et cela passe par la formation d'un conseil de direction provisoire qui a annoncé se mettre au travail cet après-midi, sauf que dans le même temps, Téhéran se prépare à vivre une intense salve de bombardements. Siavosh Ghazi, vous êtes le correspondant d'RFI pour France Info à Téhéran. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, déclarait cet après-midi que les frappes israéliennes sur la capitale iranienne allaient s'intensifier après des salves déjà violentes ce matin. Les frappes israéliennes ce matin ont été très intenses contre plusieurs quartiers du centre de Téhéran. Une base des gardiens de la révolution a été totalement détruite, une base qui est chargée du maintien de la sécurité de la capitale en cas de crise. Le siège de la police nationale a également été touché par des missiles israéliens. Ce qu'on constate désormais dans la capitale, c'est que Téhéran est devenue une ville morte. Les gens sont terrés chez eux. Il n'y a plus de circulation automobile ou presque, et même il n'y a pas de file d'attente devant les stations d'essence. On a l'impression que beaucoup de gens sont tétanisés ou ont peur des attentes, surtout après les déclarations du Premier ministre israélien qui a annoncé une intensification des frappes contre Téhéran et d'autres villes iraniennes. Et donc on peut s'attendre à des départs massifs de la population de Téhéran au cours des prochains jours, parce que jusque-là, les gens étaient tétanisés et ne savaient pas quoi faire. Mais maintenant, comme on entre dans un conflit long, on peut s'attendre à ce que les gens partent en grand nombre pour se mettre à l'abri à la campagne ou à la mer Caspienne. Merci Siavosh Ghazi, RFI pour France Info. À Téhéran, la mort d'Ali Khamenei a donné lieu à des célébrations au sein de la population iranienne. Même si le régime a instauré 40 jours de deuil national, une partie des Iraniens s'est réjouie, notamment dans la diaspora de Paris. Une manifestation a rassemblé des partisans du Shah à la Bastille, des partisans qui ont laissé éclater leur joie après la mort du guide suprême iranien Marc Bertrand. Azal, 22 ans, s'est gosillé à chanter Khomeini bye bye en sautant autour d'un drapeau géant de la monarchie iranienne. On est en train de célébrer la mort de Khomeini. Sani, poche de Sarej. Alors là, en ce moment, il y a une chanson que tout le monde met sur Instagram. Ça s'appelle Rujanazad Mirafti. Ça veut dire on va danser sur ton cadavre. Derrière, Angie et Sarah, la soixantaine, ont les yeux mouillés de larmes. Elles agitent un drapeau d'Israël. Moi, j'allais mourir de joie. Presque crise cardiaque. Une sensation de légèreté, liberté. Nous, on ne le voit pas comme une guerre. C'est une opération de libération de notre peuple. Pour Angie, c'est certain, le peuple iranien va faire tomber le régime. Les gens en Iran, ils viendront dans la rue pour accueillir le prince héritier Reza Pahlavi. Ça, c'est mon scénario. Mais sa copine Sarah, juste à côté, est un peu mal à l'aise. Moi, je suis pour la démocratie. Les gens votent. On verra bien. Rama, une maman, se tient à l'écart de la liesse. Elle a du mal à se réjouir. C'est pas terminé. Ils vont se défendre. Le régime ne se rendra jamais. Donc, ils vont se défendre jusqu'au bout. Et on est inquiet parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait aussi d'autres morts supplémentaires. Sur sa pancarte, elle a écrit les mots en persan d'un père qui cherchait son fils parmi les morts lors des manifestations en Iran il y a 2 mois. Merci Marc Bertrand sur la place de la Bastille à Paris pour France Info. Et puis en quelques mots, le reste de l'actualité avec cet épisode de crue qui se referme en France après les fortes intempéries du mois de février. Jusque-là, le dernier département en vigilance orange au crue, la Charente, n'est plus concerné depuis cet après-midi selon Météo France. Et puis en football, 24e journée de Ligue 1 qui se termine aujourd'hui. Le Paris FC vient de s'imposer contre Nice 1-0 ce soir à 20h45. Choc des Olympiques, Marseille reçoit Lyon. Pierre Lonsin-Spinelli sur France Info, 17h10. France Info, le vrai ou faux? Le rendez-vous de vérification de l'information. Alors c'est vrai ou c'est faux? C'est plutôt faux. Les rumeurs. Les fausses images. Les déclarations politiques. Les manipulations et ingérences étrangères. Tous les matins, France Info passe au crible l'information. Elle ressemble à d'autres comptes TikTok qui génèrent des fausses actualités, souvent dans le but de faire du clic et de l'argent. Le vrai ou faux à 7h25 et 11h55 sur France Info. France Info, édition spéciale, Marc Potvin. Et on continue de suivre, minute par minute, la situation au Moyen-Orient sur France Info. Ces dernières heures, la base navale des forces françaises à Abu Dhabi a été touchée. Pas de blessés, elle fonctionne toujours. Les États-Unis ont annoncé que 3 de leurs soldats ont été tués. En Israël, 9 personnes sont mortes aujourd'hui. Bonsoir Alice Roussard. Bonsoir. À Jérusalem pour France Info, ces personnes ont péri cet après-midi après une frappe iranienne. Oui, à Beth Shemesh, c'est la plus importante frappe depuis qu'Israël a commencé à frapper en Iran. Dans cette ville israélienne, à quelques kilomètres à l'ouest de Jérusalem, en pleine expansion, au moins 9 personnes ont été tuées. Selon le chef de la police de Jérusalem, certaines victimes se trouvaient apparemment à l'intérieur d'un abri antibombe public d'une synagogue. L'armée israélienne enquête afin de déterminer si l'abri fonctionnait correctement. D'après le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, 60 personnes ont été blessées, dont des enfants et une femme enceinte. C'est donc un missile non intercepté qui s'est écrasé directement sur le bâtiment. Sur une vidéo publiée par les médias israéliens, on voit l'impact, l'explosion. Sur d'autres images publiées sur les réseaux sociaux, on devine ce qu'il reste de l'abri. Tout est recouvert de cendres et de gravats. Preuve de la force du missile, des dizaines de maisons du quartier ont été endommagées. Et Benjamin Netanyahou l'affirme, l'intensité des frappes israéliennes sur l'Iran va s'amplifier dans les jours à venir. Oui, dans une allocution télévisée, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit avoir donné ses instructions pour la poursuite des frappes contre Téhéran. Hier, nous avons éliminé le tyran Khamenei et avec lui des dizaines de hauts responsables du régime d'oppression. Je le cite, les frappes continueront avec une intensité croissante qui s'amplifiera encore dans les jours à venir, a-t-il ajouté. Le Premier ministre qui, dans le même temps, a présenté ses condoléances aux familles des victimes lors des frappes iraniennes sur Israël, affirmant que son pays traversait des jours douloureux. Hier, à Tel Aviv, maintenant à Beth Shemesh, nous avons perdu des êtres chers, a-t-il ajouté. Ce soir, une réunion du Conseil de sécurité restreint aura lieu en Israël. Alice Froussard, à Jérusalem, pour France Info. Merci à vous et bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris. Vous êtes l'auteur de « La guerre mondiale n'aura pas lieu », publié aux éditions Odile Jacob. On va tenter d'y voir plus clair avec vous sur la situation au Moyen-Orient. D'abord, votre réaction à la mort d'au moins 9 personnes dans le centre d'Israël après cette frappe de missile iranien. L'Iran n'a plus de guide suprême, il est affaibli, mais il garde sa capacité de nuire. Oui, absolument, et notamment sa capacité balistique. D'ailleurs, c'est même, pour filer la métaphore du joueur de cartes, hein, c'est même la seule carte sérieuse sur le plan militaire dont dispose l'Iran. Regardez, les proxys, notamment le Hezbollah, a été très largement vaincu par Israël ces 2 dernières années. Regardez à quel point, sur le plan naval et maritime, sur le plan aérien, l'Iran est un pays extraordinairement faible. Mais en revanche, il a tout joué, hein, ce régime a tout joué sur sa balistique. Et de fait, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, il dispose de missiles à long rayon d'action. Donc on voit bien qu'un certain nombre, non seulement peuvent toucher l'intégralité du territoire israélien, mais également les territoires arabes, hein, puisque ces dernières heures, il ne vous aura pas échappé que plusieurs pays arabes ont été touché aussi, y compris une base française. Et donc, oui, bien sûr, vous avez raison de parler de capacité de nuisance, mais il faut bien comprendre qu'un missile ne peut pas être créé tous les jours. On ne peut pas créer tous les jours de nouveaux missiles. Et une fois qu'il tombe, par définition, il n'existe plus. Donc ça ne peut pas durer très longtemps. Et d'ailleurs, à ce propos, Israël a dit tout à l'heure que la moitié du stock balistique iranien avait été détruit lors de la guerre des 12 jours au mois de juin l'an dernier. Alors ça peut être la moitié, ça peut être le tiers, ça peut être les 2/3. Je pense qu'absolument personne, sauf peut-être Feu, le chef d'état-major iranien, ne peut le savoir. Mais effectivement, on est dans cette proportion-là. Or, la reconstitution d'une capacité balistique, ça prend réellement beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, au regard de l'ampleur de la frappe, de l'intervention militaire israélo-américaine, il est très difficile d'imaginer l'Iran pouvant disposer encore d'une capacité balistique pendant plusieurs semaines. Ça me paraît étonnant. Et réduire à néant la capacité balistique de l'Iran, c'est bien là l'un des objectifs qui est poursuivi par Israël avec cette guerre lancée hier conjointement avec les États-Unis. Oui, absolument. Vous avez deux objectifs militaires. Le premier, le plus important, j'allais dire le suprême, et d'ailleurs qui ne concerne pas que Israël ou les États-Unis. Hein. C'est vraiment le nucléaire, le dossier nucléaire qui est posé sur la table des relations internationales de manière générale depuis 2002, depuis que l'Agence internationale de l'énergie atomique avait pointé le doigt sur la dangerosité et les mensonges sur ce dossier-là, en tout cas du régime. Et donc depuis, même un pays comme la Chine refuse catégoriquement que l'Iran prolifère. Bon, alors ça, évidemment, c'est en ce ce moment l'un des objectifs suprêmes, c'est d'anéantir la capacité, un jour à terme, de ce régime de se doter de la bombe atomique. Mais vous avez raison, en réalité, derrière, c'est la capacité balistique. Et d'ailleurs, l'un rejoint l'autre, parce que si l'Iran ne dispose plus dans les prochaines semaines ou les prochains mois de suffisamment de missiles, et notamment des missiles potentiellement porteurs de tête nucléaire, bah vous comprenez bien que là, on aura effectivement, chez les alliés, anéanti les deux éléments du schéma. Il y a d'une part les missiles et puis les lanceurs au sol également. Oui, c'est ça. Bah, du coup, quand vous touchez un lanceur, vous touchez a priori les missiles qui sont à proximité. Et là où la République islamique d'Iran sur le plan militaire est très fragile, c'est que son espace aérien, il est aujourd'hui totalement nu. D'ailleurs, il l'est depuis la guerre de juin 2025, hein, que vous évoquiez tout à l'heure. Et du coup, lorsqu'un missile part de sa rampe de lancement, dans les dizaines de secondes, parfois dans les secondes qui suivent, eh bien, les Israéliens et les Américains sont immédiatement au courant et par conséquent peuvent tenter de frapper la batterie d'où est parti ce missile. Venons-en, Frédéric Ancel, à l'onde de choc qui suit la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, un tournant décisif dans la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, d'après le ministre de la Défense israélien. Il y aura un avant et un après. Oui et non. Je vais vous dire, là-dessus, je suis beaucoup plus circonspect que le ministre israélien. D'abord parce que, là où effectivement il y aura un avant et un après, c'est que, un peu à la manière de Maduro, qui n'a été que capturé, bien sûr, qui n'a pas été tué. Président vénézuélien, absolument. De la même manière, on a là, manifestement, une capacité américaine d'intervention très forte sur la tête de régime ONI. Et je pense pour le coup que oui, il y aura un avant et un après, parce que là, ça va faire réfléchir un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement face à Trump. Mais concernant le régime iranien, et je le dis, j'espère me tromper, mais malheureusement, je crois pouvoir affirmer, comme je le faisais déjà à l'époque du mouvement Femmes et Liberté, et il y a quelques semaines, lors des massacres du pouvoir sur la population, qu'un régime ne chute qu'à la condition de facteur décisif. Or, parmi les facteurs décisifs consubstantiels d'une chute de régime, il y a bien évidemment le rapport de force militaire, ou si vous préférez, sécuritaro-militaire, bref, physique. Autrement dit, je le dis d'une phrase, si une partie de l'armée régulière, je ne parle pas des fanatiques Bassidj et Pasdaran, mais si une partie au moins de l'armée régulière ne rejoint pas la contestation, malheureusement à court terme, je ne vois pas très bien comment la population très courageuse de l'Iran sans armes pourrait renverser le régime. On aura l'occasion d'y revenir, Frédéric Ancel, mais je voudrais avoir votre réaction à cette nouvelle qu'on apprend à l'instant. Le président des États-Unis, Donald Trump, a dit qu'il va parler aux dirigeants iraniens. On n'a pas plus de détails à ce stade. Que peuvent-ils se dire ? Ah mais ils peuvent parfaitement se dire, du côté américain, bon, vous avez compris que là, manifestement, vous ne pourrez pas rester très longtemps, donc oui ou non, vous cédez sur le nucléaire. Et si de l'autre côté, le successeur de Khamenei dit « nous cédons sur le nucléaire », je peux vous affirmer que la guerre s'arrêtera immédiatement. Parce que Trump n'est pas un néoconservateur. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à modifier les régimes. D'ailleurs, on l'a bien vu au Venezuela. Ce n'est pas quelqu'un dont C'est quand même l'un des arguments qu'il a mis en avant lors de son allocution hier, quand il a fallu justifier cette intervention. Mais justement, parce que c'était justificatoire. Mais oui, une fois que vous avez commencé à faire parler les armes, évidemment, vous vous justifiez en qualifiant le régime de tous les noms d'oiseaux. Mais à la fin des fins, Trump n'a jamais démontré qu'il était favorable à la démocratie dans le monde ou à un changement éthique et moral de régime. En revanche, il a bien parlé. Souvenez-vous d'ailleurs de ce discours. Il a parlé, les premiers mots sont pour les menace, dit-il, du régime, et non pas pour le régime intrinsèquement. Autrement dit, je pense que la question nucléaire que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment très fondamentale et qui concerne aussi d'ailleurs les alliés arabes dans la région, qui n'en veulent pas bien évidemment de la bombe iranienne, ce dossier-là, il est absolument fondamental. Et on se souvient d'ailleurs de 2018, lorsque Trump arrivait au pouvoir après Obama, avait cassé le fameux accord de 2015. Donc oui, quand vous me demandez de quoi ils peuvent se battre, d'abord ils peuvent se parler, et ils peuvent très bien se dire, d'un côté, nous arrêtons et nous donnons toutes les garanties. Et de l'autre côté, côté Trump, fort bien, la guerre s'arrête. Frédéric Ancel, vous restez avec nous. On va poursuivre cet échange dans un instant, juste après l'info en une minute à 17h20 avec vous, Paul Longsin-Spinelli. Et à la une, donc, Donald Trump qui déclare qu'il va parler aux dirigeants iraniens. Oui, c'est ce que le président américain confie aux médias The Atlantic. Le président américain annonce aussi que 48 hauts dignitaires iraniens ont été tués depuis hier, notamment le guide suprême de l'Iran. Après le décès donc d'Ali Khamenei, un seuil vers un avenir incertain a été franchi. franchi, selon le chancelier allemand Friedrich Merz, déclare partager le soulagement des Iraniens de voir le régime des Mollahs arriver à sa fin. C'est lui qui le dit. Berlin exhorte Téhéran à cesser ses attaques au hasard. Les ripostes iraniennes qui ont notamment tué 9 personnes aujourd'hui dans le centre d'Israël. L'État hébreu annonce appeler 100 000 réservistes dans le cadre de son offensive. L'Arabie Saoudite dit de son côté avoir intercepté des missiles iraniens qui se dirigeaient vers l'aéroport international de Riyad et une base abritant des militaires américains. Et puis en France, les crues touchent à leur fin. La Charente, dernier département en vigilance orange, n'est plus concernée. C'est ce qu'annonce Météo France cet après-midi après les pluies torrentielles qui ont touché l'Hexagone ces dernières semaines. France Info, édition spéciale. Frédéric Ancel est toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris. On évoquait à l'instant cette nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Donald Trump qui dit qu'il va parler aux dirigeants iraniens. Si jamais il le fait, Frédéric Ancel, est-ce qu'il n'y aura pas là un point de dissension avec Israël, avec qui les États-Unis mènent conjointement cette guerre, Israël qui ne sont pas vraiment dans cette optique de dialogue? C'est exact. On a là d'ailleurs le seul point de dissension entre les États-Unis et Israël. Netanyahou a toujours considéré, et avec lui d'ailleurs une grande partie de l'état-major et de la population, que l'Iran, que le régime iranien, qui appelle d'ailleurs à la destruction d'Israël depuis 1979, depuis son arrivée au pouvoir, objectivement, est le problème fondamental. Beaucoup plus que le Hamas. Et d'ailleurs, en Israël, c'est encore le scandale du pogrom du 7 octobre qui est imputé à Netanyahou, justement, procède de ça. C'est que Netanyahou n'avait pas mis beaucoup de renseignements sur la dangerosité du Hamas, mais en revanche, avec tout mis sur le Hezbollah et l'Iran. Donc, et on le voit bien aujourd'hui. Donc oui, effectivement, il peut y avoir une vraie dissension, en tout cas si Trump décidait de cesser les hostilités face à une acceptation de rouvrir, enfin plutôt, j'allais dire, plutôt de fermer définitivement le dossier nucléaire de la part des Iraniens. Et c'est vrai que d'ici à ce que ça se produise, hein, il y a encore de nombreuses étapes à franchir, d'autant plus que Benjamin Netanyahou, on le disait tout à l'heure, annonce que l'intensité des frappes israéliennes sur l'Iran va s'amplifier dans les jours à venir. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut absolument distinguer le régime de sa capacité de nuisance. Hein, c'est un terme qui vous appartient, mais je le reprends. Le régime, c'est une chose, mais sa capacité de projeter de la force à l'extérieur en est une autre. Et je ne suis pas du tout convaincu, je vous l'ai dit, que le régime va chuter à court terme. En revanche, je suis absolument convaincu que s'il n'y a pas un changement radical à la tête de l'État iranien sur le dossier nucléaire, ça va se poursuivre et qu'il n'y aura pas de troisième offensive après juin dernier. C'est-à-dire que les États-Unis et Israël, là, ont décidé de réduire quasi totalement toute possibilité iranienne, quelle que soit la nature du régime, de pouvoir continuer donc à projeter de la violence à l'extérieur de ses frontières. Dans l'immédiat, le conseil chargé d'assurer la transition au pouvoir en Iran a débuté son travail. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le président iranien. Qui le compose, ce conseil, et quelles sont les étapes devant lui ? Alors, ce sont des gens qui n'étaient pas qui sont bien évidemment des cadres supérieurs, en quelque sorte, de la République islamique. On a bien sûr le président, mais qui ne dispose pas de prérogatives très importantes. Hein. C'est évidemment le guide suprême qui en disposait. Et quelqu'un qu'on va qualifier de semi-ayatollah, donc un religieux, et a priori, et une troisième personne très très falote en réalité. Et régime provisoire, en quelque sorte, doit passer devant le conseil de discernement. C'est ainsi qu'on l'appelle, c'est un conseil de religieux. Hein. Donc il y a absolument, la population, si vous voulez, ne sera pas du tout concernée ni appelée, évidemment, dans les urnes par cela. Et aujourd'hui, je pense que le régime est objectivement très affaibli, comme le Hezbollah, sa création libanaise, l'a été lorsque Hassan Nasrallah a été abattu par les Israéliens il y a un an et demi. Pourquoi ? Parce que Nasrallah naguère au Liban et aujourd'hui Khamenei étaient des personnalités d'abord extrêmement, dont l'aura, en tout cas dans leur milieu, était très importante d'une part, et d'autre part, je crois pouvoir les qualifier de stratèges. C'était bien sûr des fanatiques, mais pas des imbéciles. Et les rapports de force, ils les maîtrisaient relativement bien, ainsi que leur régime respectif. Par conséquent, je pense quand même, malgré tout, que ça aura été une vraie, vraie perte pour le régime iranien. Frédéric Ancel, est-ce que le régime iranien peut en même temps préparer la succession d'Ali Khamenei, faire face aux attaques israéliennes et américaines et mener une campagne de représailles sur la durée ? J'ai presque envie de vous dire que ce défi herculéen, les prochains jours nous diront si ce régime est capable de le tenir, de le tenter. Mais je pense qu'à la fin des fins, la réponse, elle est dans la population iranienne. Et j'insiste, c'est très important, me semble-t-il. Hein. Mais c'est elle qui a la clé. Et c'est notamment cette fameuse armée dont on ne parle jamais parce qu'en fait, elle était très peu dotée, très pauvre. Elle serait bien sûr incapable de lutter contre une autre armée nationale un peu sérieuse. Sauf que les militaires, ces militaires-là, encore une fois, je ne parle pas des passes d'arabes. Je parle des militaires simples, des simples soldats. Gardiens de la Révolution. On va les appeler des flics plus, si vous voulez. Ces gens-là ont un fusil. Et ils sont plusieurs centaines de milliers. Et s'ils se mettaient du côté de la population, alors je pense que là, il y aurait un véritable retournement en termes de rapport de force. Merci beaucoup, Frédéric Ancel. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po. Je renvoie à votre dernier ouvrage, La guerre mondiale n'aura pas lieu, publié aux éditions Odile Jacob. Les frappes lancées hier matin par les États-Unis et Israël contre l'Iran perturbent fortement le trafic aérien mondial, tout comme la riposte iranienne. Des centaines de vols à travers le monde vers le Moyen-Orient ont été annulés. Louise Buyen, c'est notamment dû à la fermeture de plusieurs espaces aériens dans la région. Oui, l'Iran, Israël, le Qatar, l'Irak, la Syrie et les Émirats Arabes Unis ont totalement fermé leurs espaces aériens. Sur le site de suivi des vols en temps réel Flightradar, on peut voir qu'aucun avion ne circule en ce moment au-dessus de ces pays. Tous les avions contournent la zone. Depuis hier matin, partout dans le monde, près de 1700 vols à destination du Moyen-Orient ont été annulés selon Cirium. C'est un cabinet qui analyse les données de l'aviation. Ça correspond à un peu plus de 20% du trafic aérien dans la zone. De très nombreux vols pour quitter le Moyen-Orient sont aussi annulés. Sur les réseaux sociaux, on peut lire des messages de passagers, notamment des Français, qui expliquent être bloqués dans les aéroports. Celui de Dubaï, par exemple, la ville où les débris d'un drone iranien ont provoqué un incendie tôt ce matin. Que disent, Louise, les compagnies aériennes sur la suite des événements ? Elles suivent de très près la situation et elles prennent des mesures en conséquence. Air France, par exemple, a décidé de prolonger ces annulations jusqu'à mardi inclus. Ça concerne les vols depuis et vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad. La compagnie parle de 10 trajets supprimés depuis hier matin. Elle précise dans un communiqué que la reprise du trafic se fera en fonction de l'évolution de la situation sur place. Elle dit aussi que les clients peuvent annuler ou reporter leur voyage sans frais. Selon le ministre des Transports, Philippe Tabarot, plusieurs aéroports français sont concernés par les annulations de vols ce week-end. Roissy-Charles de Gaulle et Orly en région parisienne, mais aussi Nice, Lyon, Marseille et Grenoble. D'autres transporteurs suspendent leurs vols vers le Moyen-Orient, au moins jusqu'à vendredi ou samedi prochain. C'est le cas de l'allemand Lufthansa, de la finlandaise Finnair ou de la compagnie norvégienne. Louise Buyens pour ses précisions. Et nous avions pu joindre tout à l'heure Suzanne, une Française actuellement bloquée à New Delhi en Inde et sans solution rapide pour revenir en France. On devait rentrer aujourd'hui et la compagnie a annulé tous les vols vers Paris, donc nous on est reporté au 7 mars. Le souci c'est que certes c'est une solution de remplacement, mais il n'y a pas de réelle alternative rapide pour rentrer et surtout les assurances ne couvrent pas le logement et ses frais supplémentaires. Nous la solution d'ailleurs c'est de trouver d'autres compagnies pour rentrer, mais les billets sont à des prix exorbitants, donc à ce stade il n'y a pas de réelle solution. Suzanne, une Française qui est en ce moment bloquée à New Delhi en Inde à cause de la situation au Moyen-Orient et qui n'a pas de solution rapide pour revenir en France, que nous avons joint tout à l'heure dans le 14-17 de France Info. Notre édition spéciale se poursuit. La météo d'abord. France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr. Le temps, c'est avec vous, Patricia Charbonnier. Un temps calme et ensoleillé pour cet après-midi sur une bonne partie du pays, mais avec quelques nuances. On peut avoir quelques passages nuageux près des frontières de l'Est, avec quelques averses, mais très faibles, très localisées. Le temps sera plus nuageux entre les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, avec des averses qui pourront prendre localement un caractère orageux. On attend de la neige aujourd'hui à partir de 1800 mètres sur les Alpes et sur la moitié nord du pays. On devrait profiter de quelques éclaircies, excepté sur le nord-ouest, où le temps reste encore très nuageux, avec quelques pluies entre le nord de la Bretagne, la Normandie, le Pas-de-Calais et des températures toujours au-dessus des normales de saison dans le sud. Météo France prévoit jusqu'à 18 degrés cet après-midi à Carcassonne, 15 degrés à Colmar, 13 degrés à Paris et Quimper et 12 à Lille. Patricia Charbonnier pour les prévisions météo de France Info. Merci d'être avec nous. Il est 17h30. Toute l'info, Paul Longsin-Spinelli. L'Iran multiplie les ripostes après les attaques israélo-américaines sur son sol. Une base accueillant des forces navales françaises à Abu Dhabi a été frappée par deux drones iraniens sans faire de blessés pour le moment. En revanche, 9 personnes ont été tuées dans le centre d'Israël aujourd'hui. 2 missiles ont également été tirés en direction de Chypre où le Royaume-Uni possède une base militaire. Information du gouvernement britannique, Gaël Joly, Londres assure que l'île n'était pas visée mais le risque reste grand. Si nous sommes certains que ces missiles n'étaient pas destinés à frapper Chypre, estime le ministre de la Défense britannique, cela montre à quel point nos bases, notre personnel militaire et civil sont actuellement en danger. John Hillay accuse par ailleurs Téhéran d'être de plus en plus indiscriminé, étendu et incontrôlé dans sa riposte. Le ministre de la Défense britannique s'est exprimé sur Sky News ce matin. C'est un exemple du fait qu'il existe une menace très réelle et croissante de la part d'un régime qui frappe à tout va dans la région. Et cela exige que nous agissions. Cela exige que nous agissions de manière défensive. S'ils n'ont pas pris part aux frappes israéliennes et américaines depuis hier, des avions de combat britanniques ainsi que des radars participent à des actions défensives coordonnées dans la région depuis Chypre et le Qatar, avec pour objectif d'abattre des drones pour protéger notre peuple, nos intérêts et nos alliés, a précisé hier soir le Premier ministre Keir Starmer. Gaëlle Joly, correspondante de France Info à Londres. Merci. Même si la guerre au Moyen-Orient se poursuit, les dirigeants iraniens veulent parler et j'ai accepté de parler. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump cet après-midi aux médias The Atlantic. Le président américain affirme que 48 dirigeants iraniens ont été éliminés depuis hier, dont le guide suprême Ali Khamenei. Les familles de 3 soldats américains ont été informées de leur décès pendant l'opération contre l'Iran. Selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, 5 autres soldats ont été grièvement blessés. Téhéran, de son côté, se prépare à de nouvelles frappes israéliennes. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, déclare cet après-midi que ces bombardements allaient encore s'intensifier. Israël va d'ailleurs rappeler 100 000 réservistes pour poursuivre l'offensive. En France, une 62e édition du Salon de l'agriculture en demi-teinte cette année sur le plan de la fréquentation par rapport à l'an dernier. Il y a eu près de 28% de visiteurs en moins cette année, soit près de 437 000 personnes qui se sont rendues au salon selon l'organisation. L'événement a été marqué par l'absence des bovins pour cause de dermatose nodulaire mais aussi de tensions sur fond d'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et puis en rugby, la fin de la 18e journée de Top 14 ce soir. Pau, 4e, reçoit l'Union Bordeaux-Bègles, 5e, coup d'envoi du match à 21h05. Paul Longsin-Spinelli sur France Info, 17h33. France Info, édition spéciale, Marc Potvin. On en vient maintenant à cette base militaire française touchée par des drones iraniens au Moyen-Orient. Les dégâts sont matériels, il n'y a pas de victimes. Bonsoir Frédéric Saïs. Bonsoir. Rédaction internationale de Radio France. C'est la base navale française située aux Émirats Arabes Unis qui a été touchée. Oui, au moins 2 drones kamikazes ont touché la base française Al Salam à Abu Dhabi. Sur plusieurs vidéos que nous avons pu authentifier, on voit un nuage de fumée noire puis un nouvel impact. Wow. Attaque de drones iraniens confirmée par le ministère émirien de la Défense. Elle a provoqué un incendie dans 2 conteneurs de matériel, mais il n'y a pas eu de victimes, toujours selon le gouvernement des Émirats. Pas encore de confirmation officielle côté français. Cette base navale française est ouverte depuis 2009. Elle accueille des navires de guerre et de renseignement en vertu d'un accord de défense entre les Émirats Arabes Unis et la France. Elle est située à quelques centaines de mètres du Louvre à Abu Dhabi, sur l'autre rive. Il y a quelques minutes, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a dénoncé les attaques massives et injustifiables de l'Iran sans évoquer précisément cette base française d'Abu Dhabi. Un conseil de défense doit être réuni à 19h autour d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, on va y revenir dans les toutes prochaines minutes sur France Info. Ces tirs iraniens de riposte, Frédéric, ils se poursuivent au Moyen-Orient. Des centaines de missiles et de drones tirés depuis hier et pour la première fois, l'armée américaine annonce des morts dans ses rangs. Oui, 3 soldats américains ont été tués tués et 5 autres grièvement blessés dans des frappes iraniennes. C'est ce qu'a annoncé le Pentagone cet après-midi. Le ministère américain de la Défense ne précise pas où ces soldats américains étaient en opération, ni quand exactement ils ont été tués. Ce sont les premiers décès connus dans les rangs de l'armée américaine depuis le début des attaques menées conjointement avec Israël. Hier matin, dans son discours vidéo pour annoncer l'opération, Donald Trump avait averti sur cette possibilité, celle de pertes humaines au sein des troupes américaines. Une manière de préparer les esprits de l'opinion américaine, y compris celle de ses propres partisans, dont une partie peine à comprendre les buts de cette guerre et redoute qu'elle ne se transforme en bourbier coûteux en vie et en budget. Frédéric Saïs, rédaction internationale de Radio France. Merci et bonsoir, Père de Jung. Bonsoir. Vous êtes ancien colonel des troupes de marine, vice-président de l'Institut Témis, dédié aux problématiques de paix et de sécurité. Merci de nous rejoindre dans le 17-20 de France Info. Une base française à Abu Dhabi a donc été touchée par 2 drones iraniens. Il faut y voir un acte hostile de la part de l'Iran, ou bien c'est plus compliqué que ça ? Alors c'est plus compliqué que ça. D'abord, un petit rappel, les Français sont répartis sur 3 bases, une base navale, une base aérienne et une base terrestre. Là, on ne parle que de la base navale qui est assez loin d'Abu Dhabi, donc qui est assez éloignée. Donc c'est un port et c'est surtout l'état-major de ce qu'on appelle à l'Indien. Donc c'est un état-major avec des bateaux et les bateaux n'étaient pas à quai, bien évidemment. Donc ça veut dire que les Iraniens, en fait, tirent tous azimuts dans une stratégie que je qualifie d'embrasement. Et donc, en fait, le Qatar et Abu Dhabi, ils font l'ensemble des pays du Golfe font partie de ce dispositif. Voilà, c'est un signe pour vous d'une certaine fébrilité de la part de l'Iran ? Oui, l'embrasement, l'éparpillement, la dispersion, ça démontre que personne ne commande. Et on voit bien que les Iraniens, aujourd'hui, ont une problématique de coordination, d'effort. Aujourd'hui, il n'y a pas d'effort. On arrose avec tout ce qu'on a de Chypre, en essayant de toucher un porte-avions américain. Donc on voit qu'il n'y a pas de coordination. Et là, on voit vraiment qu'il y a un manque, et c'est le manque du commandement. En fait, le fait que les Israéliens aient réussi à éliminer, à neutraliser le 48 autorités du gouvernement iranien hier matin, ça pèse évidemment sur les décisions. Les chiffres avancé en plus d'une quarantaine, plus de 40 par Israël et par les États-Unis. Exactement, c'est un chiffre qui a été avancé d'ailleurs récemment, hier en fin de journée, donc ça a été confirmé bien évidemment. Donc en fait, l'ensemble du dispositif du haut commandement militaire et politique iranien a été étêté. Alors il en reste quelques-uns bien évidemment, on parlait de 200 dignitaires, donc là il y en a 48 qui auraient été neutralisés. Donc bien évidemment à ce niveau-là, avec une structure politique et militaire tellement verticale, tellement pyramidale, c'est sûr que ce genre de perte, si vous voulez, oblige à repenser le dispositif. Et là, très concrètement, les Iraniens, en fait, réagissent au plus pressé et ils arrosent parce qu'ils ont beaucoup de missiles et donc ils vont lancer une quantité de missiles incroyable. Sachant encore une fois que quand on analyse réellement le résultat, l'effet de ces tirs de missiles et de ces drones, c'est assez faible. Alors, encore une fois, malheureusement, il y a des pertes, mais elles n'ont rien à voir avec la quantité de missiles qui ont été tirés. Maintenant, le problème pour les Iraniens est le suivant. C'est que je veux dire que les Américains vont structurellement, comme les Israéliens, vont structurellement monter en puissance. Donc le message qu'a envoyé Trump à l'État iranien hier n'a pas été compris. Donc on va assister à une montée en puissance progressive pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous évoquiez il y a quelques instants le cas de Chypre, puisqu'il y a eu des tirs de missiles iraniens sur cette île méditerranéenne. Mais entre-temps, le Royaume-Uni a dit que cette île n'était pas visée. On peut faire là le parallèle avec ce qui s'est produit sur cette base française à Abu Dhabi. Oui, parce que ce serait vraiment une déclaration de guerre contre les Britanniques qui ont une base à Chypre. Donc bien évidemment, je crois que les Britanniques n'ont aucune envie de rentrer dans ce conflit, en tout cas à court terme. Donc aujourd'hui, le message émis par Londres est un message, je dirais, d'apaisement. En fait, le problème, c'est que très concrètement, la technologie iranienne était une technologie, je dirais, relativement simple, relativement rudimentaire. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de précision. On voit bien que les Iraniens jouent sur la saturation. Alors ils ont tenté un coup politique. C'est quoi le coup politique de tirer sur Chypre, sachant que les missiles sont tombés dans l'eau ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, que personne ne va être écarté d'une menace iranienne. Il peut y avoir des mesures de rétorsion partout dans le monde, en tout cas, même sur les Européens. C'est ça le message induit. Mais encore une fois, je pense que c'est surtout... Enfin, les Iraniens ont décidé ce tir dans un instant d'affolement ou de panique, parce qu'honnêtement, ce n'est pas très réaliste actuellement ce qui se passe. Et on rappelle d'ailleurs que Chypre est l'un des États membres de l'Union européenne. Je voudrais avoir votre réaction, Père de Jong, à cette déclaration tout à l'heure de Benjamin Netanyahou qui dit que les frappes israéliennes sur Téhéran, vont s'intensifier. À quoi faut-il s'attendre ? Alors évidemment, là, on est vraiment dans la rhétorique de Trump et de Netanyahou, et ce qui avait été annoncé hier matin. Donc le discours était le suivant, si les Iraniens, si vous continuez de tirer vos missiles, nous, on va accélérer le processus. Et aujourd'hui, bien évidemment, un exemple, on voit très concrètement qu'il n'y a plus d'artillerie, solaire. Donc les avions, le ciel aujourd'hui iranien, est totalement sous le contrôle des Américains et le contrôle des Israéliens. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les B-2 vont pouvoir s'engager, l'ensemble du système de bombardement. Les B-2, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, les B-2, c'est des bombardements stratégiques. C'est les avions qui avaient été utilisés par les Américains pour bombarder Fordo et qui sont capables d'emporter. Fordo, c'est l'un des sites nucléaires du régime nucléaire, iranien. Qui a été touché lors de la guerre des 12 jours au mois de juin l'an dernier. Exactement. Et c'est le seul avion stratégique capable d'emmener des bombes de 15 tonnes. Et donc ça, c'est vraiment très, très important. Et on annonce l'engagement de ces bombardiers B-2 dans les heures et dans les jours qui viennent. Donc on voit qu'en fait, le fait que le ciel iranien ne soit plus contrôlé par les Iraniens, le fait que les Américains bombardent systématiquement, en fait, ça permet à Netanyahou, à l'État israélien, de monter en puissance. En confirmant son engagement en premier échelon et en disant qu'ils allaient traiter le problème, puisqu'en fait, Netanyahou a très clairement dit que c'était son projet depuis 40 ans, donc on est vraiment à l'aboutissement d'un processus. Et le deuxième point, ils ont rappelé 100 000 réservistes, donc des gens pour protéger les frontières, et j'imagine que le Hezbollah, le Hamas, tout ça, tous les proxys qui sont autour de Israël vont être sous la sellette, en tout cas sur la sellette dans les heures qui viennent. Merci beaucoup, Père de Jong. Je rappelle que vous êtes ancien colonel des troupes de marine, vice-président également de l'Institut Témis, dédié aux problématiques de paix et de sécurité. Il est 17h42 sur France Info. Nous sommes toujours en édition spéciale alors que cette guerre entre d'un côté Israël et les États-Unis et de l'autre l'Iran se poursuit au Moyen-Orient. La situation, évidemment, vous vous en doutez, est suivie de très près en France et notamment du côté de Élysée. Bonsoir Hélène Terzian. Bonsoir. Service politique de France Info. Emmanuel Macron convoque ce soir un nouveau conseil de défense. Absolument, ce sera à 19h dans le poste de commandement Jupiter, dans les sous-sols du palais de l'Élysée. Et comme hier, le chef de l'État sera entouré de son premier ministre, Sébastien Lecornu, de tous les ministres concernés, ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur, mais aussi du chef d'État-major des armées. Ce nouveau conseil de défense doit permettre de réfléchir aux suites qui seront données à ces frappes américano-israéliennes et aux répliques de Téhéran, notamment après la mort du guide suprême iranien. La porte-parole du gouvernement réagissait à ce propos sur Public Sénat. Le Mollah Khamenei était un dictateur sanguinaire qui a opprimé son peuple, avili les femmes, les jeunes, les minorités, et il est encore récemment responsable de la mort de milliers de civils dans son pays et dans la région. On ne peut donc que se satisfaire de sa disparition. Et il appartient désormais au peuple iranien de faire le choix de son destin. La ministre Maud Bréjon qui rappelle que la priorité pour le moment, c'est la sécurité des ressortissants français. Ils seront, dit-elle, évacués du Proche-Orient quand la situation le permettra. Il en sera bien sûr question lors du Conseil de défense, comme il sera sans aucun doute question de la sécurisation des emprises militaires dans la région. Alors qu'on en a parlé, la base navale des forces françaises à Abu Dhabi a été touchée, selon les informations de France Info, sans faire de blessés. Le ministre des Affaires étrangères dénonce des attaques massives et injustifiables de l'Iran. Jean-Noël Barrot, qui participera juste avant le Conseil de défense à un Conseil des ministres exceptionnel avec ses homologues européens. Voilà pour le gouvernement, Hélène. Que dit le reste de la classe politique ? Eh bien, invité ce matin sur nos antennes, le chef des députés macronistes, Gabriel Attal, s'est lui aussi satisfait que l'ayatollah Khamenei ait été, je cite, « mis hors d'état de nuire », et ce, alors que l'initiative américano-israélienne a eu lieu sans cadre international. Le droit international ne peut pas être un totem d'immunité pour ceux qui le bafouent matin, midi et soir. Donc ceux qui condamnent cette opération au nom du droit international omettent de dire que le droit international est bafoué matin, midi et soir par le régime des Mollahs depuis 46 ans. Le patron du PS, Olivier Faure, écrit quant à lui sur X qu'il ne pleurera pas celui qui a fait tirer sur la courageuse jeunesse iranienne, tout en s'inquiétant des conséquences pour la suite du régime. Qui va le remplacer, s'interroge-t-il. La réaction la plus virulente vient de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de LFI qualifie l'ancien guide suprême de bourreau du peuple iranien, mais ça ne justifie pas, selon lui, les moyens qui ont provoqué sa mort. Jean-Luc Mélenchon, qui était tout à l'heure en meeting à Perpignan. Nous voulons le cessez-le-feu immédiat. Maintenant que vous avez tué les principaux dirigeants de la révolution de ce pays iranien, nous voulons le cessez-le-feu. Car voyez-vous, les guerres préventives, ça n'existe pas, vous le savez. Mais les guerres propres non plus. Jean-Luc Mélenchon qui dénonce la négation dans ce contexte de tout droit international. Et la droite, Hélène, que dit-elle ? Alors, dès hier, Bruno Retailleau, candidat LR à la présidentielle, parlait de cette intervention américano-israélienne comme un tournant historique face au régime terroriste des Mollahs. Quant à l'extrême droite, Jordan Bardella réclame au président de la République une réunion de tous les chefs des groupes parlementaires pour faire un point complet sur la situation. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, n'a pas fermé la porte à cette demande. Lors des crises internationales majeures, a-t-elle dit tout à l'heure, le président a toujours tenu informer les forces politiques. Hélène Terzian du service politique de France Info en direct. Merci à vous. Restez avec nous. Notre édition spéciale se poursuit. France Info, 17h-20h. Un point sur l'essentiel de l'actu d'abord. 17h46, Paul Lossin-Spinelli en France. Sécurité renforcée.